Quatrième partie, chapitre 6, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 6, comment la tentation et la délectation peuvent être des péchés. La princesse dont je vous ai parlé ne peut être blâmée de la recherche qui lui est faite, puisque nous avons supposé que c'est absolument contre ses intentions. Mais elle serait coupable si elle se l'était attirée par quelque manière qui eût pu en faire venir la pensée. Et voilà comme la tentation est quelquefois un péché par la raison qu'on se l'est attirée. Par exemple, un homme sait que le jeu excite aisément sa colère, que la colère le fait blasphémer, et que le jeu conséquemment est une vraie tentation pour lui. Je dis que cet homme pêche toutes les fois qu'il joue et que les tentations qui lui arrivent au jeu le rendent coupable. Un autre sait qu'une certaine conversation lui est une occasion de quelque chute. S'il s'y engage volontairement, il est indubitablement coupable de la tentation qu'il y trouve. Quand l'on peut éviter la délectation qui suit la tentation, c'est toujours un péché que de la recevoir, mais plus ou moins considérable, à proportion que le plaisir que l'on y prend et que le consentement que l'on y donne est grand ou petit, d'une longue ou courte durée. Si cette princesse dont nous avons parlé écoute non seulement la proposition déshonnête qui lui est faite, mais y prend plaisir et en occupe son cœur avec joie, elle est fort blâmable, car, bien qu'elle n'en veuille pas l'exécution, elle consent néanmoins à l'application de son cœur sur cet objet déshonnête par le plaisir qu'elle y prend. Or, la seule application volontaire du cœur à la déshonnêteté est mauvaise comme celle même des sens, de sorte que la déshonnêteté consiste tellement en cette application volontaire du cœur que sans elle, l'application des sens ne peut être un péché. Lors donc qu'une tentation s'élèvera en vous, considérez si vous vous l'êtes attiré volontairement, parce que c'est un péché que de se mettre en danger de péché, et cela, supposez que vous ayez pu raisonnablement éviter l'occasion, et que vous ayez prévu ou dû prévoir la tentation qui vous en devait venir, mais si vous n'avez donné nul sujet à la tentation, elle ne peut aucunement vous être imputée à péché. Quand on a pu éviter la délectation qui suit la tentation, et que l'on ne l'a pas évitée, il y a toujours quelque sorte de péché, à proportion qu'on s'y ait peu ou beaucoup arrêté, et selon la cause du plaisir qu'on y a pris. Une femme qui, n'ayant donné aucun sujet à la cajolerie, y prend pourtant plaisir, ne laisse pas d'être blâmable si le plaisir qu'elle y prend n'a point d'autre cause que la cajolerie même. Car, si celui qui veut lui inspirer de l'amour jouait en perfection du luth, et qu'elle prit plaisir, non pas à sa mauvaise recherche, mais à l'harmonie et à la douceur du luth, il n'y aurait point de péché pour elle, bien qu'elle ne pût pas prendre longtemps ce plaisir, de peur de passer à celui d'être recherchée. De même encore, si l'on me propose un stratagème fort artificieux de me venger de mon ennemi, et que je ne donne aucun consentement à la vengeance, n'y prenne aucun plaisir, mais seulement à la subtilité de cet artifice, sans doute je ne pêche point. Mais il n'est pas expédient que je m'arrête beaucoup à ce plaisir, de peur qu'il ne me porte peu à peu à celui de la vengeance même. On est quelquefois surpris des impressions de la délectation qui suit immédiatement la tentation, avant qu'on s'en soit bien aperçu. Et cela ne peut être qu'un péché véniel assez léger, lequel cependant vient plus grand si après que l'on a reconnu le mal distinctement, on demeure par négligence quelque temps à prendre son parti, sans l'acceptation ou le refus de cette délectation. Et le péché sera encore plus grand si, l'ayant reconnu, on s'y arrête quelque temps par une vraie négligence, et sans aucune sorte de volonté de la rejeter. Mais lorsque volontairement et de propos délibérés nous sommes résolus de nous plaire en de telles délectations, ce propos même délibéré est un grand péché si l'objet auquel on se plaît est notablement mauvais. C'est un grand vice à une femme de vouloir entretenir de mauvaises amours, quoiqu'elle ne veuille jamais s'y abandonner. Fin du chapitre 6, quatrième partie.